À l'occasion de la Journée du Soleil, l'association slovaque pour le soutien et l'étude des idées du Tutsé a fait paraître en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, menant à un brillant achèvement l'œuvre révolutionnaire Tutsé, en honorant le grand camarade Kim Jong-il comme secrétaire général éternel de notre parti.